Chapitre 13e. Trophime, le rémouleur, entre dans la gendarmerie en pétrissant son chapeau délavé. « J'ai rien fait, chef. On m'accuse toujours de tout parce que je suis pas comme tout le monde, mais je fais moins de mal que la plupart des gens du village. » Personne ne sait d'où vient Trophime, lui non plus d'ailleurs. On l'a trouvé un jour dans l'église Saint-Trophime d'Arles, dans un panier, et l'assistance publique lui a donné ce prénom. Il a été ensuite dans plusieurs orphelinats. Les cheveux noirs et raides, le teint fortement basané, il doit avoir des origines arabes, romanichelles ou gitanes, à moins qu'il n'était indienne. Il n'a pas pu être placé ou adopté, car personne n'a voulu de lui. Il s'est un jour échappé de l'asile, et un rémouleur l'a recueilli pour tirer les bricoles de sa charrette et apprendre le métier. Le rémouleur décédé, Trophime a repris le matériel et a mené pendant plusieurs années une vie de chien. À l'entrée des fermes ou des villages, on lui lançait des pierres en l'abreuvant d'injures. Bico, carac, voleur de poules, violeur d'enfants. Il a quand même tenu bon, trouvant au fond de lui l'espérance des jours meilleurs, et la foi venant du tréfonds de ses racines l'a empêché de tomber dans le crime. Bien évidemment, il vit seul. Quelle femme aurait voulu partager une pareille vie? À l'occasion, dans les fermes ou les villages, il répond aux avances de femmes seules et plus très jeunes qui ne sont pas très regardantes pourvu qu'on les satisfasse. Parfois, il gagne ainsi quelques sous, mais c'est plus par bonté d'âme que pour l'argent ou le stupre. Trophime a peu à peu gagné la confiance des gens des villages alentours, grâce à son honnêteté, son sérieux et sa gentillesse. Maintenant, certains commerçants n'hésitent pas à lui confier la boutique pour aller faire une course. Il lui arrive même de surveiller les enfants tout en repassant les couteaux. Certains le payent le mois d'après, mais personne n'ose lui devoir de l'argent. Pensez, le pauvre, il a besoin de ça pour vivre. Ce matin, il est donc très étonné d'être chez les gendarmes. « Ne t'inquiète pas, Trophime. Est-ce que tu pourrais me confirmer que Mme Bréau a écrit des lettres pour toi ?» lui demande Trinquet. « Oh oui, plusieurs fois. Moi, j'écris comme un cochon. Et si je gagnais autant d'argent que ce que je fais de faute ?»« Elle te fait payer pour ça ?»« Pas toujours, on s'arrange. »« Alors Mme Bréau écrit sans faire de faute ?» ?»« C'est ce qu'on dit. Moi, je lui fais confiance. D'ailleurs, je dois lui demander d'écrire une autre lettre pour un élevage de lapins que je voudrais monter. »« Eh bien, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre. » « Pourquoi? Elle s'est plainte de moi ?»« Non, elle est morte. Elle s'est pendue après avoir assassiné son mari. » Trophime pâlit et se signe. Il a tenu deux ou trois fois cette femme dans ses bras. Après l'amour, elle avait pleuré. Savoir que c'est maintenant un cadavre lui laisse un goût amer et lui glace le sang. « Pourquoi n'allais-tu pas voir la maîtresse d'école ou le maître pour faire écrire tes lettres ?»« J'aiguisais les couteaux de la maîtresse, mais je n'aurais jamais osé lui demander ça, quand je pense que je l'ai vue la veille de sa mort. » « Ah oui, c'était donc mercredi, c'est ça ?»« Oui, mercredi soir. »« Alors, raconte. »« Eh ben, je suis été devant sa fenêtre pour demander ses couteaux et ciseaux. Elle n'a pas pu me les donner parce que des gens sont entrés chez elle pour la voir. »« Tu pourrais les reconnaître, ces gens ?»« Bien sûr, c'était Mme Bréau et son mari, mais vous venez de me dire qu'ils sont morts tous les deux. »« Vous vous rendez compte, les trois que j'ai eus ce jour-là, il n'y en a plus un de vivant. »« On va dire que j'ai le mauvais œil. » Quelle heure était-il quand tu es passé devant chez la maîtresse ? Oh, il restait encore une heure de jour. Il devait être 7h30. Intéressant. Tu n'es pas venu pour rien, Trophime. Tiens, monte au premier voir mon épouse. Je crois qu'elle a plusieurs paires de ciseaux à aiguiser. Boissy entre dans la gendarmerie d'un pas décidé. Ça y est, chef, j'ai vu la mère Gabert. Elle ne peut plus écrire à cause des rhumatismes déformants. Elle dictait les lettres à Mme Bréau et elle dit qu'elle ne faisait jamais de faute. « Bon, murmure Trinquet, c'est clair, mais ça n'arrange pas mes affaires. »« Allons manger, et après nous aviserons. »« Ah, Boissier, je crois que je vais m'octroyer un petit tour. Tu veilles au grain, hein ?» Le nez de Boissier s'allonge encore un peu. « Quel dommage qu'il n'ait pas fait les pelotons au bon moment pour passer chef. Maintenant, c'est trop tard. »« D'un autre côté, il serait peut-être à Saint-Foy-les-Olives ou à Dash à l'heure qu'il est. Il n'a pas le grade, mais il est au pays, dans son village. » On ne peut pas tout avoir dans la vie. Trinquet va tenter en réalité de tirer au clair cette histoire de livret de famille et de photos qu'il a trouvé chez les Bréau, sans ameuter tout le canton. Renseignement pris chez la voisine, Marie avait une lointaine cousine qui se nommait Madeleine C. et qui devrait encore habiter Saint-Cana. En mal d'air frais, Trinquet enfourche sa bicyclette et pédale pendant les 3 kilomètres qui séparent les deux villages, le livret de famille et la photo dans sa poche. Arrivé sur place, il se renseigne auprès de la boulangère, puis des curés, et n'a pas de mal à localiser la dénommée Madeleine C. dans une ruelle près de l'église. cette septuagénaire reconnaît bien volontiers être une lointaine cousine de Marie Bréau. Elle ne se fréquentait plus depuis une dizaine d'années, pour des raisons les regardant, dit la mère C. Trinquet exhibe alors le livret de famille et montre la page concernant le garçon prénommé Camille. Madeleine fait le tour de sa table de cuisine, comme pour se donner le temps de la réflexion. « Bon, et alors » fait-elle enfin. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?»« Je voudrais que vous m'en disiez plus sur cet enfant que je n'ai jamais vu et dont personne ne m'a jamais parlé. »« C'est à cause de ça qu'on s'est fâchés, Marie et moi. »« Mais encore, ça, comme vous dites, c'est un garçonnet dont voici la photo et qui s'appelait Camille, comme la fille qu'ils ont perdue. »« Écoutez, gendarme, c'est une histoire bien triste. » À cette époque, Marie et Étienne habitaient ici. Elle s'était mariée avec ce grand couillon de Bréau parce qu'elle avait fait Pâques avant les rameaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont eu ce fils, Camille, qui était beau comme un ange. Le ménage vivait de briques et de broc parce que le Étienne, il était plus fort devant un comptoir que dans un chantier. C'était plus long d'arriver à le faire travailler que de tuer un âne à coups de figue. Et en plus, comme j'ai dit, il buvait. Moi, je disais toujours à Marie, « Mais fous-le dehors, ce grand connard !» T'en trouveras bien un autre, bye. » Mais Marie était testarde. Elle répétait que c'était le père de son enfant. Un jour qu'il était un peu allumé, Étienne s'est amusé à lancer son fils en l'air et à le rattraper. Pensez, le minot était ravi, il riait aux éclats. Sauf qu'à un moment, comme Étienne n'avait plus les yeux en face des trous, il a raté son liston et le petit est tombé la tête la première, mort sur le coup. Je vous dis pas le hurlement qu'a poussé Marie et l'autre couillon. Il était là, les bras ballants. Tout comme s'il avait cassé une bouteille de pastis. Moi, j'ai tout de suite voulu alerter les gendarmes pour qu'on punisse cette grande pute de feignasse, mais Marie m'en a empêché. Elle m'a dit que, de toute façon, ça ne rendrait pas la vie à son enfant et que c'était un accident. Tu parles d'un accident, un tour de con, oui. Ils ont donc raconté que le gamin avait dévalé les escaliers et l'a fait rater enterré avec le gosse. Moi, j'ai dit à Marie, puisque c'est comme ça, garde-toi ton estrace de Marie, mais foutez le camp tous les deux. Et on s'est fâché. Ils sont partis à Lambesque. Pendant un temps, je me tenais au courant par des amis sûrs que j'avais là-bas. J'ai su qu'ils n'avaient plus de relation entre eux et que Camille, la fille, n'était pas de lui. C'est pour ça qu'elle était si intelligente. Pécaire ! Personne n'a plus parlé du gamin et Camille n'a jamais su qu'elle avait eu un frère. J'étais à l'enterrement de la petite sœur, mais au leur point. J'avais encore trop la colère. Et aujourd'hui, je l'ai encore. Et la septuagénaire fond en larmes en se laissant tomber sur une chaise. « Qu'est-ce que vous venez me parler de ça, vous? Allez, foutez-moi le camp, malfaisant !»« Je suis désolé, madame, c'est je ne pouvais pas savoir, pardonnez-moi. »« Et à quoi ça va vous servir, maintenant que vous savez ?»« À rien, » balbutie Trinquet, « à rien. »« Ne dites à personne que je suis venu vous voir. »« Ah bah, tu parles que je vais pas me vanter, tiens !» En pédalant sur le chemin du retour, Trinquet prend conscience du drame qui a secoué cette famille, drame bien caché au fond d'une armoire, derrière les murs de la maison, comme la plupart des drames familiaux dans ces villages.